Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 10 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Guillaume. Le dicton nous dit « Beau temps de Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume ». On verra tout à l'heure qu'on est loin, qu'on sera loin d'avoir une belle journée aujourd'hui. Pas de célébration internationale et dans les événements qui se sont déroulés un 10 janvier en 1991, c'était la promulgation de la loi Evin en France relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Allez, tout de suite, on écoute Chris qui nous parle tout d'abord des journées et des dons du sang pour ce mois de janvier. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. C'est Chris. Tout d'abord, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Et depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence, et pour se donner les moyens de répondre à cette exigence, il est très important d'aller donner son sang, et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de janvier 2020 dans notre département. Le vendredi 10 janvier à Plombières-les-Bains, à la salle Clos des Deux Augustins, située à l'adresse 6 rue Griot, de 16h à 19h30. Le mercredi 22 janvier à Remiremont, au grand salon de l'hôtel de ville, situé à l'adresse 1 place de l'Abbaye, de 8h30 à midi et de 15h30 à 19h30. Le lundi 27 janvier, à Le Tillot, à la salle polyvalente, située à l'adresse 11 bis avenue de Verdun, de 16h à 19h30. Je le rappelle une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà donc pour le don du sang et on va rester avec Chris qui nous parle d'un concours de belote. Et aujourd'hui pour le billet de sortie, je reçois Madame Sylvie Arnoux du Collège Jean Montémont de Russe-aux-Moselle. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Donc vous organisez un concours de belote. Oui, samedi, donc ce samedi 11 janvier au Collège de Russe-aux-Moselle. D'accord. Donc c'est le traditionnel concours de belote du collège. On démarre les inscriptions à 20h. D'accord. Donc inscription de 20h à 20h30 et début des jeux à 20h30. Voilà, l'inscription est de 8 euros. Les jeux se font en individuel et voilà, on a plein de lots pour tout le monde. D'accord. Est-ce qu'il y aura possibilité de se restaurer sur place ? On a effectivement une buvette et une petite restauration sur place. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu dire quelques lots qui seront à gagner ? Oui, alors donc dans nos, on a beaucoup d'épanneux de lots gourmands, donc des petits bons dans les commerces locaux, des cadeaux loisirs également, et puis nos gros lots, hein, ceux qui attirent le plus de monde, avec une télévision, un matelas, des bons d'achat donc de 35 euros donc dans des commerces locaux également, couettes, et puis des paniers de lots qu'on fait pour un lot. D'accord. Donc est-ce que tout le monde aura au moins un lot ou est-ce que c'est les trois premiers On fait en sorte que tout le monde puisse avoir un lot. D'accord. Donc ce concours de belote se passe au sein du collège Jean Montémont. Voilà, au collège Jean Montémont, ce samedi 11 janvier, début d'inscription à 20h et on commence à jouer à 20h30. D'accord. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce collège, est-ce que vous pouvez donner l'adresse du collège ? Oui, alors le collège est au 42 rue Napoléon Forel. Oui. Et je peux vous donner également un numéro de téléphone pour nous joindre en cas de souci ou si vous désirez réserver. Oui, bien sûr. Oui. Le 03 29 24 34 10. D'accord, bah, on va espérer qu'il y ait beaucoup de participants. Eh bien, nous aussi. Et du coup, si vous organisez bientôt un autre événement, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse en parler, en faire la promotion, la publicité. Il n'y a pas de souci. Bah. Je vous remercie. Merci à vous. Et voilà donc pour ce concours de belote. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Allez, tout de suite, on va faire une première pause musicale avec Rod Stewart et le titre Baby Jane. Rod Stewart sur RGM, un peu plus de 8h40, on parle anniversaire. Avec ceux qui sont nés un 10 janvier 1942, naissance de Walter Hill, cinéaste américain, réalisateur de Driver, Sans Retour ou encore 48 heures, producteur d'Alien, le 8e passager, Alien le Retour, Alien 3, Alien la Résurrection, Alien versus Predator, Alien versus Predator Requiem ou encore Alien Covenant. 1945, naissance de Rod Stewart, chanteur britannique. 1948, naissance de Bernard Thévenet, cycliste français des années 70, champion de France sur route en 73. Il a remporté 2 fois le Tour de France, c'était en 1975 et 1977. Il a remporté 10 étapes de Grand Tour, 9 sur le Tour de France et 1 sur le Tour d'Espagne. 1953, naissance de Pat Benatar, chanteuse américaine, notamment connue pour le titre Heartbreaker, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour Pat Benatar. Allez, on continue les anniversaires. 1956, naissance de Sean Colvin, auteur, compositrice, interprète, guitariste américaine, notamment connue pour le titre Sonny Came Home, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour Sean Colvin. Allez, on continue. 1964, naissance d'Evelyn Thomas, animatrice télé radio française connue pour l'animation de l'émission C'est mon choix. 1967, naissance de Trini Alvarado, actrice américaine vue dans Les 4 filles du docteur Marsh dans le rôle de Meg Marsh, Polly le perroquet qui parlait trop dans le rôle de Mary Alwether adulte et vue dans la série télé Fringe. 1980, naissance de Sarah Saï, actrice américaine vue au cinéma dans 7 ans de séduction, Rush Hour 3, mais surtout connue pour ses rôles à la télévision, vue dans la série Alias, The L World dans le rôle de Carmen de la Pica Morales, Life dans le rôle de Danny Reese, Chicago Fire dans le rôle de René Royce ou encore Person of Interest dans le rôle de Samine Shaw. 1985, naissance de Claudio Capeo, chanteur français. Et enfin en 2000, naissance de Juliette Chappé, actrice française connue pour son rôle de Léonie Gratin dans L'élève du Cobu et Les vacances de du Cobu. Tout de suite, on s'écoute de Claudio Capeo avec son titre Riche. Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes.

a vu la victoire de la Norvégienne Røiseland devant l'Allemande Hermann et devant la Française Julia Simon, une faute. Et c'est ainsi son deuxième podium de la saison. La Française termine devant l'Italienne Dorothea Wierer, donc quatrième de ce sprint. Pour les autres Françaises, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Célia Emonier, 26e avec 4 fautes. Justine Brezaz, 4 fautes également, termine 28e. Anaïs Bescon, 3 fautes, termine 31e. Et Chloé Chevalier, 2 fautes, termine 38e. Caroline Colobo n'a pas disputé ce sprint puisqu'elle est malade et ça devrait être l'impasse complète sur cette étape d'Oberhof puisque c'est un relais demain et une master dimanche. On en parle un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est le sprint messieurs. Ils seront 111 à partir. Le premier, ce sera Eder. Le premier français, c'est Martin Fourcade avec le dossard numéro 14. Quentin Fillon-Maillet, le dossard 17, le dossard 32 pour Simon Détieux, le 40 pour Émilien Jacquelin, le 43 pour Fabien Claude et le 48 pour Antonin Guigonat. On suivra le dossard 3 de Johannes Dallet. Je vous rappelle que Johannes Beu lui fait l'impasse sur les étapes du mois de janvier. En tout cas, on commence déjà avec celle-là puisqu'il attend un heureux événement. Son frère Tarié Beu lui sera bel et bien présent. Il aura le dossard 27 et Florent Claude lui aura le dossard 33. Le programme de samedi, ce seront donc les relais. Je vous le disais, on démarrera avec le relais dames à midi, suivi donc du relais messieurs à 14h15. Et sur le relais norvégien, Tarié Beu ne figurera pas dans le relais. Et enfin, normalement, hein, des fois que les Norvégiens changent d'avis, mais c'est ce qui a été annoncé. Et dimanche, on terminera avec des mastarts. Donc, Caroline Colombo ne sera pas qualifiée pour les mastarts. Hein, donc, c'est pour ça que ça devrait être une semaine blanche pour elle. Donc, Mastart féminine à 12h45 et la Mastart messieurs, ce sera à 14h30. On continue l'actualité avec le tennis à Doha. Les matchs de nos Français Herbert et Moutet ont été suspendus pour Pierre-Hugues Herbert et reportés pour Corentin Moutet. Ils se rejoueront donc aujourd'hui. Je vous rappelle qu'Herbert affronte Rublev et Moutet sera opposé à Verdasco. À Auckland, il n'y a plus de Françaises après l'abandon d'Alizé Cornet face à Regula et en ATP Cup. À noter que la Serbie s'est imposée ce matin face au Canada. À suivre, Espagne-Belgique. Dans la suite de l'actualité, un mot de hockey sur glace avec le hockey féminin et le mondial D1A où nos Françaises se sont imposées 2-0 face au Danemark. Les Françaises sont maintenues et terminent quatrième. Et on reste avec le hockey en D2, déplacement pour Épinal à Évry-Viry. Mais la patinoire de Poissompré sera occupée ce week-end avec des championnats de short track. Et oui, il s'en passe des choses à la patinoire de Poissompré. Un mot de handball messieurs maintenant avec l'Euro 2020. Début de la compétition pour nos Bleus ce soir, 18h15 face au Portugal. On enchaîne avec du cyclocross. Ce week-end, ce sera le championnat de France. Un mot de basket maintenant en Pro B. Samedi, Nancy recevra Saint-Chamond. Et en National 1, samedi toujours, le Jet se déplacera à Furs. On termine avec du football en Ligue 1. Ce soir, Rennes reçoit Marseille. Samedi, Bordeaux recevra Lyon. Amiens, Montpellier, Angers, Nice, Metz, Strasbourg, Nîmes, Reims et Toulouse, Brest. Dimanche, Saint-Étienne recevra Nantes, Dijon, Lille et on terminera avec PSG, Monaco. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit Valenciennes et en National 2, samedi, Épinal recevra le club de Saint-Quentin. Voilà, ça y est, j'ai fini. On va pouvoir donc marquer une dernière pause musicale avec David Bowie qui nous a quittés il y a 4 ans, jour pour jour. Et oui, déjà 4 ans que le chanteur anglais nous quittait, ça passe vite. Et donc, eh bien, on va rendre hommage à David Bowie en écoutant l'une de ses chansons. Et je vous ai choisi Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view,